Pouillou. Allô tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. J'en pouvais plus, je m'ennuyais de la foultitude. La foultitude, c'est vous et moi. Quand on se baigne ensemble, on prend un beau grand bain de foule contre la solitude. C'est la magie de l'amour qui nous donne rendez-vous. Avec ma blonde, on va s'appeler, on va se répondre sur les mêmes ondes. Me revoilà, je suis un rêve éveillé, la tête dans le ciel, les pieds sur terre et en liberté. Comment ça roule dans votre boule? Moi je m'appelle Raoul. Saoulé chaque fois, j'ai la chair de poule. Mais bon, des boules, et je n'ai pas la bouche en cul de poule. Je ressuscite à chaque fois que la foule m'excite. J'aime tous les gens parce que mon genre, c'est le genre humain. Je suis une foule de Raoul, je Raoul avec la foule. Je suis une foule de Raoul, vous me donnez la chair de foule. Allô, allô, allô, aïe, aïe, aïe. Allô, allô, allô. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'en pouvais plus, je m'ennuyais de la foultitude. La foultitude, c'est vous et moi. Quand on se baigne ensemble, on prend un beau grand bain de foule contre la solitude. C'est la magie de l'amour qui nous donne rendez-vous. Chanter me saoule chaque fois. J'ai la chair de poule, je suis une foule de Raoul, je Raoul avec la foule. Je suis une foule de Raoul, vous me donnez la chair de foule. Je suis une foule de Raoul, je Raoul avec la foule. Je suis une foule de Raoul, vous me donnez la chair de foule. Je suis une foule de Raoul, je Raoul avec la foule. Je suis une foule de Raoul, je me donnais la chair de foule. Chair de chair, comment faire pour t'avoir?